Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver, chers cinéphiles. Je suis avec Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Kevin, bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Eh bien écoute, très bien, c'est une belle période le mois de mai. Voilà, il y a le Festival de Cannes, hein, notamment, qui a démarré il y a quelques jours. Et voilà, il y a pas mal de sorties du coup, hein, on en profite d'aller dans les salles obscures. Et on va aujourd'hui donc vous parler d'un de nos coups de cœur cinématographiques du moment. Il s'agit du film Juste une illusion, réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano. Alors pour la petite histoire, on est en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu'il n'est déjà plus un enfant et qu'il n'est pas encore tout à fait un adulte, nous allons partager ses questions et ses doutes sur l'identité, l'amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. Rien que ça, ça en fait des choses à dire dans un film qui dure quand même presque 2 heures, hein, mine de rien, 1h56. Qu'en as-tu pensé, Aurore ? Et ben du coup, moi j'ai vraiment apprécié le film. Du coup, il nous transporte dans les années 80. On suit vraiment une famille de classe plus ou moins modeste, qui est plus ou moins fonctionnelle. Et j'ai vraiment apprécié parce que on montre beaucoup de sujets, beaucoup de problématiques aussi de ces années-là. La difficulté à trouver du travail, toute l'évolution du passage effectivement de l'adolescence à l'âge adulte. On nous transporte là-dedans. Et j'ai vraiment, vraiment apprécié aussi la partie bande originale, tout ça. Et l'acteur principal, qui incarne le plus jeune de la famille, Simon Boublil, qui en est à son deuxième film, donc qui avait fait D'accord. Qui a été fait. Et en tête d'affiche, on a Louis Garrel, Camille Cotin et Pierre Lottin, qui sont des acteurs qu'on voit très très souvent en tête d'affiche, mais qui sont toujours intéressants à voir. Pierre Lottin, je trouve, il joue un rôle qu'il joue très souvent. Et Louis Garrel, c'est assez intéressant de le voir en père troublé dans sa vie, qui a un ego un peu surdimensionné, qui veut montrer que tout va bien, qu'au final tout va mal. Et Camille Cotin, qui est la mère de famille, qui veut s'en sortir et montrer qu'elle aussi peut être libre. Et t'as tous ces sujets-là qui gravitent tout autour. Et j'ai vraiment apprécié toutes ces visions-là. Oui, je ne peux en effet que te rejoindre. On est vraiment en totale immersion dans les années 80. La bande-son incroyable, hein, en même temps, à cette époque, il n'y avait pas un titre qui n'était pas un tube, il faut le dire. Et, c'est vrai. Mais c'est vrai. Hein, dès qu'un son sortait, ça devenait un tube. Et les sujets traités... Oui, pardon. Non, t'inquiète. La musique est vraiment au cœur du sujet, notamment avec le plus grand des fils. Qui fait des cassettes. Exactement. Donc du coup, en plus d'être présente pour le spectateur, elle est aussi présente dans le film. Oui, c'est vrai. Elle a un sens particulier à l'histoire. Ah bah oui, non, mais c'est sûr que voilà, on sent en effet que dans les années 80, la musique était très prégnante et en effet, le frère aîné de Vincent dans le film, comme tu le disais, voilà, il copie ses propres musiques, voilà, il fait ses propres montages, etc. Et d'ailleurs, on le sentait, c'était aussi un peu je sais pas si c'était le début, mais en tout cas, voilà, un peu du piratage aussi, où t'essayais de craquer, d'avoir avant tout le monde les choses. Ça, c'est assez marrant d'ailleurs à voir. Et en effet, on est en totale immersion dans les années 80. On a une très belle photographie d'un instant, donc c'est en 85, voilà, d'une année... dans une famille, comme tu le disais, dysfonctionnelle. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment, les Louis Garrel et Camille Cotin, hein, qui sont les têtes d'affiche, sont quand même... plus au service justement de Simon Boublil, l'acteur, qu'autre chose. Et ça, j'ai plutôt bien aimé parce qu'ils prennent pas trop le pas. Ils sont vraiment là quand il faut. Et on est vraiment plus, comme le synopsis l'indique, dans le récit initiatique de Vincent sur son apprentissage, ses découvertes. Et justement, ses parents vont l'y aider ou pas. Parce que bon, on sait très bien qu'en tant que parent, on fait pas toujours les bons choix. On fait pas forcément ça très bien. Mais bon, finalement... voilà, ça se passe toujours bien à la fin. Et ça, j'ai plutôt apprécié justement que ces acteurs servent le jeune acteur plutôt que l'inverse. Pour moi, c'était un peu le risque que j'avais. Et au-delà de cela, voilà, on prend un malin plaisir à suivre cette famille. On s'ennuie pas. Enfin, franchement, pendant plus d'une heure cinquante, ça virevolte dans tous les sens. On passe sur plein de sujets différents. En effet, la famille, bien évidemment, qui est le cœur du film, mais les questionnements et le cheminement aussi initiatique du personnage principal, qui est très intéressant à voir. Et c'est un peu un film intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on est 10 ans comme 60 ans, on se retrouve dans le film, même si on n'a pas connu les années 80. Et ça, c'est plutôt très bien, je trouve. Oui, oui, et puis ça, même sous le couvert des années 80, on aborde aussi des sujets extrêmement d'actualité. Oui. La partie notamment chômage, même l'antisémitisme, qui était très présent, plus à l'époque, mais... C'est intergénérationnel à la fois dans le fait que tout le monde s'y retrouve et à la fois aussi dans les sujets qui sont abordés, où on se rend compte qu'au final, ça n'a pas tant changé que ça. C'est vrai. Et qu'on a toujours ces problèmes-là sous couvert de « on est dans les années 80 ». En fait, au final, on se rend très vite compte que c'est pas que les années 80, en tout cas. Oui, non, parce que finalement, c'est dans les années 80, mais l'histoire aurait pu très bien être transposée dans les années 2020. Enfin, clairement, comme tu le disais, les sujets, on les retrouve. C'est un éternel recommencement, hein, finalement. J'ai envie de dire, heureusement pour certains aspects, malheureusement pour d'autres. Et pour le coup, Eric Toledano et Olivier Nakache, voilà, arrive très bien, je trouve, à retranscrire cela. Et on sent que c'est un film où ils ont pris du plaisir, puisque eux, ils sont nés dans les années 70, donc dans les années 80, ils avaient 10-15 ans, donc ils étaient un peu comme le personnage principal du film, finalement, hein, Vincent. Hein, ils étaient à ce début d'adolescence et dans cette découverte de plein de choses. Et on sent qu'ils se sont identifiés justement à ce personnage principal et ils y ont mis tout ce qu'ils avaient envie de mettre. Et ça reste et ça transpire en effet la vérité, le cinéma. Et puis bon, c'est des cinéastes qui n'ont plus rien à prouver de par leurs précédentes réalisations. Et là, pour le coup, alors c'est peut-être pas leur plus grand film dans leur filmographie, mais c'est un super feel-good movie, je veux dire. Voilà, on ressort du film. Franchement, on a passé un super moment. On a rigolé, on a pleuré, on a été touché. Enfin, et puis comme tu dis, les sujets traités sont hyper intéressants et encore d'actualité. Et rien que pour ça, le film vaut vraiment le coup d'être vu. Oui, je suis totalement d'accord. Et puis au-delà de cela, on a un casting, comme tu le disais, incroyable, où on a des personnages qu'on retrouve dans des rôles habituels, d'autres un peu moins, et finalement tout le monde arrive un peu à trouver sa place, et nous on s'identifie aussi à cette famille, dans certains aspects. Ouais. Je me suis dit, ah oui, tiens, ça aurait pu être mes parents, ou tiens, ça, oui, ça aurait pu être mon pote. Et puis on a vraiment ces petites pointes d'humour, je trouve qu'on retrouve assez souvent, qu'on retrouve dans leur film, de Olivier Nakache et de Eric Toledano. C'est des petites pointes d'humour pince sans rire, mais dénonciatrices aussi. Oui, c'est vrai. Qui fonctionnent toujours bien. Oui, c'est jamais lourd, c'est pas potache, et non. Franchement, c'est bien amené, ouais. C'est ça, suffisant pour te faire sourire, mais pas grimacer. Exactement, oui. Je suis d'accord avec toi, et franchement, on ne peut en effet que vous conseiller d'aller voir Juste une illusion. D'ailleurs, il cartonne au cinéma, hein, je crois qu'il a dépassé le million d'entrées. Il a encore de belles semaines devant lui au cinéma, donc c'était notre coup de cœur cinématographique du moment, le film Juste une illusion. Après vous avoir parlé donc de ce coup de cœur cinématographique, on va revenir un petit peu sur l'actualité justement cinématographique du moment. Après Aurore, tu nous évoqueras un fait étonnant ou surprenant autour d'un film. Donc je l'ai dit en introduction, c'est le mois de mai, c'est le Festival de Cannes, et d'ailleurs justement, on remet, si je puis dire, sur le devant de la scène une série qui a cartonné. Et là cette fois-ci, ça va devenir un film, une sorte de suite produites sous forme de long métrage, c'est 10%. Et du coup, voilà, les acteurs principaux du film étaient présents à la montée des marches à Cannes. On avait notamment Camille Cotin et toute la bande qui étaient sur la croisette pour lancer justement la promo du long métrage qui sera non pas au cinéma, mais sur Netflix. Donc forcément, Netflix a profité du Festival de Cannes pour organiser cette happening spéciale autour de la sortie prochaine du film 10%. Tous les acteurs phares de la série étaient réunis. Donc voilà, pour notre plus grand plaisir, pour ceux en tout cas qui ont vu la série et qui l'ont adoré. Et ils ont annoncé la date de sortie. Ce sera le 10 septembre prochain. Et on a eu le droit d'ailleurs à un extrait voilà, d'un peu plus d'une minute que vous pouvez retrouver sur Internet où on retrouve justement Camille Cotin. Donc dans le film, c'est Andrea Martel qui est en galère. Désormais réalisatrice, elle voit son projet de film tomber à l'eau et les solutions que lui propose Noémie, donc joué par Laure Calamy, ne l'enchante guère. Voilà pour les quelques lignes de synopsis. Donc bon, je pense que c'est un film qui est quand même attendu, c'est une série qui a cartonné et on a hâte de voir en tout cas ce que le film donnera donc le 10 septembre prochain sur Netflix. En ce qui te concerne, Aurore, quel fun fact as-tu déniché? Alors moi je veux parler d'un film qui est très récent, qui est sorti en ce début d'année. Je vais parler de Projet Dernière Chance. D'accord, oui, et très bien. Et notamment je vais parler surtout du générique. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder le générique, qui n'ont du coup pas pu apprécier un travail. En fait, l'arrière-plan du générique sont des véritables photos. D'accord. Donc c'est des clichés d'un astrophotographe australien qui ont été capturés. Alors en fait, ce n'était pas pour le film, c'est le fruit de son travail qu'il faisait. Et en fait, le studio de production de Projet Dernière Chance a décidé en fait d'utiliser ces clichés pour illustrer son générique. Ah. Donc du coup, quand vous regardez le générique Projet Dernière Chance, tous ces clichés extrêmement lumineux et très pas fantastique, mais absolument magnifique à observer. Et en fait, ce sont des véritables photos de l'espace. D'accord, ok, très bien. Bah oui, comme quoi, tu vois, on ne sait pas tout. Nous, on pense que c'est fait sur ordinateur, voilà, via l'IA, par exemple. Non, mais en fait, pas du tout. Ce sont de véritables images photographiées. Et écoute, merci Aurore, voilà, pour ce fun fact autour du film, donc Projet Dernière Chance, voilà, qu'on avait beaucoup apprécié aussi, qui est un super film. Pour terminer ce podcast, voilà, on se projette un peu avec Aurore toujours dans les prochaines semaines, surtout que là, il y a pas mal de films en ce moment qui sortent au cinéma. Alors toi, Aurore, qu'est-ce qui te hype là prochainement à l'affiche ? Alors moi, ce qui me hype, c'est un film qui va sortir donc le 3 juin 2026. Oui. Alors, c'est techniquement deux films. D'accord. Qui vont sortir, un le 3 juin et un le 3 juillet aussi, si je ne me trompe pas. Ah oui, donc à un mois d'intervalle à peu près. C'est ça, à un moment d'intervalle. C'est un film qui est présenté en hors compétition à Cannes 2026. Et donc, c'est un film historique qui s'appelle La bataille de Gaulle, l'âge de fer. Et donc, après, ce sera J'écris ton nom, si je ne me trompe pas, pour le deuxième film. D'accord. Alors, pour le synopsis, donc c'est en juin 1940, la France s'effondre et signe l'armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s'échappe vers Londres pour sauver ce qu'il reste d'un rêve, la liberté. Alors du coup, c'est un film où on va suivre toute la bataille de Charles de Gaulle, toute sa bataille pour la résistance, pour que le pays de la France reste libre et reprenne la forme et les frontières qu'elle avait avant. Moi, je pense que la partie historique et même les bandes annonces, etc., ont l'air assez. Il y a l'air d'avoir un gros budget. Oui, en tout cas, ouais, c'est une grosse production française. Très bien, bon, écoute, voilà, on suivra ça avec attention. Dans un tout autre registre, et ça sort donc là le 20 mai, c'est le film de la série à succès sur Disney+, Mandalorian et Grogu, voilà, tout simplement. Le film est titré Star Wars, The Mandalorian and Grogu, voilà, ils n'ont pas été chercher loin. Donc pour l'histoire, c'est la chute du maléfique empire galactique qui a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie pour protéger tout ce pour quoi la rébellion s'est battue. La jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu. Bon, sur le papier, Ça a l'air somme toute classique, hein. Je pense que côté scénario, il va pas falloir s'attendre à grand-chose. Par contre, on ne va pas bouder son plaisir. Enfin, en tout cas, moi, qui avais apprécié la série, et puis bah, notamment, voilà, gros goût, hein, on ne peut que tomber en amour devant ce petit être. Bah, je pense que voilà, ça va être dans les clous, ça va être un blockbuster sympa à regarder. Et puis, bah, voilà, quand on aime l'univers Star Wars, bon, bah, forcément, voilà, il est difficile, en tout cas, de louper un opus de cet incroyable univers. Donc ça sort le 20 mai prochain, donc c'est Star Wars, Mandalorian et Grogu. On arrive déjà à la fin de ce podcast. Je vous le rappelle, notre coup de cœur du moment, le film Juste une illusion. Voilà, on espère que vous aurez l'occasion de le voir. Et puis bien évidemment, on vous reparlera prochainement, comme toujours, de cinéma. N'oubliez pas, en ce moment, il y a le Festival de Cannes. Donc forcément, voilà, chaque journée est rythmée, en tout cas, par les films qui sortent. Et en parallèle, bah, il y en a qui sortent aussi au cinéma et d'autres qui sortiront plus tard. Et puis, bah, prochainement, voilà, vous avez la première partie donc, de Gaulle, hein, Aurore. Et du coup, Mandalorian et Grogu aussi qui sort prochainement. Donc, il y a de quoi faire. On va pas s'ennuyer. En tout cas, merci Aurore et puis à très bientôt. Merci Kevin. C'est pas Guillaume, c'est Kevin, mais c'est pas grave. Pardon, ouais, mais oui, non, mais tu sais, en même temps, on a cité plein de prénoms, hein, avec entre les acteurs, etc. Moi, il y a de quoi se perdre, hein. Tu sais, parfois, moi aussi, je me trompe, mais cette fois-ci, voilà, je t'appelle bien Aurore. Et puis, c'est la fin, voilà, du podcast. On est fatigué, c'est pour ça. Allez, on lance la petite musique qui va bien. On vous dit à la prochaine. Ciao, bye bye. Merci, Kevin.